elle avait apporté le dessert. Elle a beaucoup, elle ment beaucoup au club, elle était très intelligente, mais qui aime beaucoup la France, et elle, je crois qu'elle est retournée en France. Comme je disais, le docteur O'Reilly, qui n'était pas marié à cette époque, nous avait fourni le vin, puisqu'il ne pouvait pas cuisiner, mais qui aimait beaucoup ses petits repas, nous apportait le vin et les fromages. Et c'était formidable, c'était très très bien. Et puis, par la suite, ça a été abandonné cette histoire. On est devenu trop important et je vous dis, c'était difficile de trouver des maisons assez. Ça demande beaucoup de travail et on est devenu trop important. Alors vous voyez, l'importance du club a mis fin à beaucoup de bonnes choses. Parce que comme nous étions plus. Nous pouvions nous réunir, c'était quand même plus intime. Mais enfin, j'aimais quand même mieux quand nous étions 200 personnes parce que sur les 200, nous en trouvions. Au moins, nous faisions beaucoup plus de. Nous pouvions démontrer aux Américains, quand même, qu'il y avait la bonne phase de français. Pas seulement le. Nous avions quand même du bon temps, on a dansé, jeunes arènes, on a eu des bonnes soirées, tout le monde a bougé, les hommes en black tie, et c'était très très bien. Et maintenant, je pense que le club, les Gaulois, ont envie de faire le dîner. Une fois de temps en temps aussi, ils m'ont demandé mon avis. Alors, on va voir. Mais il y a des membres qui ont participé entre les deux clubs. Oui, il y en a quand même pas mal, oui. Il y en a quand même assez. Ben, Monsieur Le Tellier fait partie quand même des deux clubs aussi, Lucien Perkins, Marcel. Donc, il y en a quand même pas beaucoup. Laurie. On a perdu des gens qui ne viennent plus avec les causeries françaises. Parce que nous avions, comme je vous dis, beaucoup de femmes, je ne veux pas le répéter, beaucoup de femmes seules, âgées et qui ont peur de sortir le soir tout seul. L'avantage de l'autre club, c'est qu'ils sont tous couples, c'est tous des couples. Malheureusement, aux causeries françaises, la plupart sont des femmes seules. Et qui est la présidente plus importante de la plus Je pense que vous pourrez le demander à d'autres personnes. Mais je pense que Madame Guigny, à qui j'ai donné le titre de présidente éméritus. Mais non, c'est éméritus, c'est pour les hommes, non? Émérita. Oui, émérita peut-être. Émérita, oui. À qui j'ai donné le titre. L'a vraiment mérité. Elle a vraiment fait beaucoup pour le club. Ça a été la plus importante, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a des personnes françaises qui ne sont pas membres de ni le Crozet français? Oui, ni, il y a énormément. Oui. Surtout beaucoup de femmes de militaires que j'ai essayé de joindre, mais qui ont leur NCO club, office club, et n'ont aucune idée de venir joindre. Mais elles n'ont pas d'institution pour lui-même, pour réunir. Non. La plupart de ces femmes, je me suis aussi laissée dire par des dames que j'ai contactées, non, nous avons eu trop de mal à étudier l'anglais, nous ne voulons pas perdre notre anglais et joindre les français maintenant. Mm-hmm. Ça, j'ai eu des réponses comme ça aussi. Mm-hmm. Enfin, très peu. Et les restaurants nouvelles et les. Il y a des. Oui, boulangerie. Oui, ça c'est vraiment un atout ici maintenant à Sacramento, une chose qui nous manquait. Mm-hmm. C'était la boulangerie, elle existe maintenant, et on fait même du pain français, moi-même j'en ai, je vais en chercher deux fois par semaine, qui est vraiment, qui égale le pain de France. Aussi les croissants sont bien meilleurs d'ailleurs que les croissants français. Je reviens de France et je vais vous dire que j'ai pas pu manger les croissants français. Ceux-là sont délicieux, vraiment on est gâtés maintenant. Maintenant, les restaurants français, j'en ne connais pas beaucoup, mais enfin, tout de même, les restaurants américains fournissent des choses beaucoup. Vous voyez beaucoup de menus français quand même, même dans les restaurants américains, vous voyez beaucoup de plats français. Je pense que petit à petit, pour le vin, par exemple, ici, quand je suis arrivée ici, je demandais un verre de vin, mon mari, tout de suite, tu sais, oh, un verre de vin, tu vas passer pour un wino, hein. Maintenant, je veux partout vous aller, on ne donne même plus de whisky, on sert un vin blanc comme apéritif, et ça a beaucoup changé. Et ces restaurants, est-ce qu'ils sont comme un centre pour les personnes françaises, pour Non, je pense que le plus, c'est peut-être pas un restaurant, mais je pense que le centre qui est le plus français, qui représente vraiment la France, c'est encore la crêpe, c'est chez Michel. Michel est vraiment, vraiment représente la France. Il est très, très gentil. Il est très éduqué, malgré qu'il n'en a pas l'air. Il est très, oh oui, très ferré sur beaucoup, beaucoup de choses. J'ai connu ses parents. Il est très bien éduqué d'ailleurs. Il a reçu une très bonne éducation, je veux dire, manière et tout ça. Il est très bien, Michel. Je pense qu'il représente bien la France. Il vend des crêpes, mais enfin, je pense que pour moi, personnellement, c'est vraiment le seul que j'ai retrouvé qui peut représenter la France ici, honnêtement, à tout point de vue. Bien, merci bien pour votre assistance. À votre service, et j'espère que vous réussirez. J'espère que vous aurez du succès dans vos recherches. Je suis sûre que vous y arriverez. Merci beaucoup.